L'entreprise Usinage Numérique HB du 210 rue Beauchamp à Dolbeau-Mistassini connaît une croissance phénoménale. Les propriétaires, messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault, viennent d'investir une somme de 600 000 $ qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Tels sont les vœux de la direction d'Usinage Numérique HB, 418-239-08-27. BR Métal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle. Désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Métal est un employeur important dans le milieu, puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Métal est situé au 353 Gustave Dessureau. Au numéro de téléphone 88. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-93-83. On va parler de la revue de l'année maintenant. On l'a fait celle avec Marc Fortier. On va faire celle avec Stéphane Lebeau. Salut Stéphane. Salut Danny. Stéphane, l'année 2016-2017 dans la Ligue nationale de hockey, ça te dit quoi? Ben ça dit pour moi là, le doublé des Penguins de Pittsburgh. Un doublé qui fait en sorte que c'est de plus en plus difficile dans la Ligue nationale de répéter cet exploit-là par le fait que les équipes, la parité est omniprésente, le fait que c'est difficile, c'est très exigeant, autant physiquement, mentalement. Donc, c'est toute une réalisation que les Penguins de Pittsburgh ont fait là, en remportant une deuxième Coupe Stanley consécutive. Et ça a été quand même, rappelons-le, ça a été quand même une belle finale contre les Prédateurs de Nashville et Piquet-Souban. Puis c'était le fun de voir l'ambiance qu'il y avait à Nashville, tu sais, pour un marché qui est non traditionnel. Tu sais, on n'aime pas Gary Bettman, et avec raison au Québec, sauf que là-dessus, il a gagné son pari là, avec Nashville. Oui, tout à fait. Ça a été une série superbe avec un Piquet-Souban qui nous laisse pas d'indifférence. C'en est un autre, ça, l'échange de Souban qui a marqué un petit peu cette saison-là. Ouais. Et, mais de toute évidence, là, le hockey progresse aux États-Unis. On le voit un petit peu partout. On voit beaucoup d'Américains arriver dans la Ligue nationale via les collèges américains également. Donc, Bateman, tranquillement, pas vite. On l'aime pas, mais il sait très bien que les grosses parts du marché à conquérir sont aux États-Unis et malheureusement, pas vraiment au Canada. OK. Si on y allait maintenant avec, du côté du Canadien, saison quand même assez décevante, fin de saison très très décevante chez les Canadiens en 2017. Oui, tout à fait. L'année a été marquée pour moi là, par l'été de Marc Bergevin. Ah, c'est clair. Une été qui se devait être importante pour continuer un petit peu là, ce que le Canadien avait accompli. Mais je pense qu'il a malheureusement échoué sur plusieurs facettes. Il a carrément transformé sa brigade défensive. Voilà. Et jusqu'à présent, je suis pas sûr que c'est un grand succès. J'ai trouvé qu'on a manqué l'opportunité de moderniser un petit peu notre philosophie de hockey au travers de ça. La perte de Markov et de Radulov, selon moi, fait très mal aux Canadiens. On a fait un pas d'avant avec l'acquisition de Jonathan Drouin, malgré qu'on a donné un bon espoir. Sauf qu'en même temps, on a reculé largement en perdant Radulov. Donc, on a avancé un pas en avant, mais on a reculé rapidement en arrière en perdant Radulov. C'est pour ça que le Canadien fait du surplace depuis le début de la saison. Et cette transaction-là, je me rappelle très bien, cette transaction-là qui a été très, très Jonathan Drouin, très salué par les fans. Je me rappelle, c'était fou là, comment que les gens étaient contents. Là. C'était quasiment, tu sais, c'était unanime à 95% cette transaction-là. A été annulé par contre parce que Radulov est parti. Tu sais, c'est ça. Ben c'est ça. On avait, moi seul, j'estime que oui, Pacioretty est le meilleur buteur chez le Canadien depuis les 4-5 dernières saisons. Mais non seulement l'arrivée de Radulov a été rafraîchissante au niveau de l'offensive, mais au niveau du spectacle, au niveau de l'engagement, Radulov emmenait cette énergie un petit peu que Piquet a laissé lorsqu'il est parti à Nashville. Il était beau avoir joué, c'était contagieux pour ses coéquipiers, la façon dont il s'entraînait également. Donc cet état d'esprit dans le vestiaire du Canadien, je pense que ça fait mal. Et de toute évidence, là, on voit qu'il a quand même du succès avec les Stars de Dallas. Mais ça a laissé un gros vide chez le Canadien à cet égard-là. OK. Nouvelle concession également, Las Vegas. Comment tu vois ça? Bien ça, j'ai trouvé que c'était très audacieux de la Ligue nationale. C'était un pari très risqué. À court terme, la curiosité, on va sûrement jouer sur les visiteurs qui vont en profiter pour aller voir des matchs. Mais que dire de leur début de saison d'histoire? C'est remarquable ce qu'ils font. Faut donner crédit à l'organisation et au directeur général d'avoir eu du flair en formant une aussi bonne équipe aussi rapidement. Est-ce qu'ils vont tenir la route? Ça reste à voir, mais je pense bien que on va possiblement les voir en série éliminatoire. Et ça, ça serait tout un succès dès le départ, une équipe d'expansion qui réussit à se faufiler en série. On paye 500 millions pour une franchise. Ben, c'est ça que je partais pour dire. Mais on a eu le flair de faire des bonnes transactions pour être compétitif dès le départ. Pas avec des joueurs super vedettes, mais avec des joueurs de bonne qualité. Et ça, là, il faut avoir quand même une bonne vision et un bon flair pour en réussir ça aussi rapidement. OK. Si on y allait maintenant du côté... je reviens sur Marc Bergevin. Je pense que c'est sa déclaration. Et c'est ça qui va... je regarde les gens, là. Ça y revient souvent. Notre défensive est meilleure que l'an dernier. Et ça va le suivre jusqu'à la fin de son parcours avec le Canadien. Bien, évidemment, c'était une déclaration faite, si je me souviens bien, au tournoi de golf. Effectivement. Et c'est rare que Marc s'est avancé sur des sujets aussi précis que ça. Et il a fait une lecture de sa brigade défensive. C'était approuvé. Jusqu'à présent, ça n'a pas été prouvé. Défensivement, on a des lacunes, de toute évidence. Mais en plus, je pense que dans le hockey moderne d'aujourd'hui, ça prend des défenseurs qui non seulement excellent en défensive, mais qui sont capables d'exceller également en transition offensive et supporter l'attaque. Moderniser un petit peu le rôle du défenseur, des défenseurs beaucoup plus mobiles, beaucoup plus axés vers les deux sens de la patinoire. Et ça, à ce niveau-là, on est moins fort défensivement, mais ça l'affecte également l'offensive parce que nos défenseurs, malgré que dernièrement, ils ont réussi à marquer des buts de la ligne bleue, mais en général, ça l'affecte l'offensive du Canadien, selon moi. Ben, effectivement. Donc, j'ai hâte de voir aussi l'année 2017, Marc, aussi du côté aussi de... Si on regarde Seattle, qui va probablement s'en venir, Québec, qui semble de plus en plus écarté, ça, c'est vraiment décevant pour les gens de Québec. Pour les gens de Québec, c'est vraiment décevant, là. C'est sûr, c'était prévisible. Malheureusement, là, lorsqu'on a décidé de construire l'amphithéâtre, on avait espoir d'avoir une équipe. Puis moi, j'étais, comme plusieurs, là, un des premiers à souhaiter le retour des Nordiques. Mais dans la vision de Gary Bettman, lui, c'est le marché américain. Et peut-être qu'on va voir un jour une équipe revenir à Québec. Mais il va falloir que ça soit une équipe de l'Est qui soit vraiment en problème financier. Et là, peut-être qu'on va penser à Québec. Mais pour le moment, avec tomber à 32 équipes avec Seattle, ça va prendre un bout de temps là, avant qu'on revoie une autre équipe d'expansion. C'est décevant, mais c'est pas surprenant. C'est vraiment pas surprenant. Moi, je dis que Houston va arriver. Je te dis que c'est pas surprenant. Kansas City arrive dans un navire assez rapproché aussi. Vous allez entendre parler aussi de Kansas City. C'est certain que Houston, c'est la quatrième ville aux États-Unis, puis il n'y a pas d'équipe de hockey. Là. Donc, c'est sûr que Gary Bettman doit viser ça. C'est clair, net et précis, c'est écrit dans le ciel. Allez, parle-moi en terminant des sénateurs, puis après ça, l'année 2017 des sénateurs. Au moment où on se parle, c'est sûr que c'était enregistré avant la période des fêtes. Eugene Melnyk a fait une sortie qui me fait penser beaucoup à Claude Brochu. Je ne sais pas si c'est un amateur des expos. Quand tu commences ça, il me semble que tu écœures plus tes partisans. Chez les sénateurs, l'avenir semble pas tellement rose. Est-ce que tu dirais même que ça va passer par un nouveau propriétaire? Parce que je parle à Nicolas Saint-Pierre, descripteur des sénateurs, puis lui, de Radiophonique, qui est le Martin McGuire, puis lui, l'autre fois, il a pas été tendre avec Eugene Melnyk. Tu penses-tu que ça passe par une vente? Mais ça pourrait passer par une vente, un nouveau propriétaire. Ça va passer sûrement par un nouvel amphithéâtre mieux situé à Ottawa. Ouais. Mais on parle d'une équipe canadienne peut-être en problème financier. Ça pourrait être une solution à déplacer cette équipe-là vers Québec. À ce moment-là, je pense qu'on serait, le marché d'Ottawa serait perdant, mais le marché canadien ne serait pas vraiment affaibli. Même, selon moi, le marché de Québec serait supérieur au marché d'Ottawa. Donc, ça pourrait être intéressant. Maintenant, reste à voir maintenant ce que Melnyk va décider. Mais évidemment, là, c'est un petit peu surprenant d'avoir cette déclaration-là. On a l'impression que ça se transforme jusque dans le vestiaire avec Eric Carlson. La lune de miel de Guy Boucher avec ses joueurs semble être finie, malheureusement, déjà. Et donc, c'est une équipe qui se cherche, autant sur la glace qu'à l'extérieur de la patinoire. Et c'est inquiétant de voir une équipe canadienne souffrir ainsi. Ouais, Stéphane, si tu permets, on va aller à la pause. Je reviens dans quelques instants. Je vais te parler du Canadien. Qu'est-ce que tu peux avoir pour 2018? Vous êtes à l'écoute d'une entrevue pour avec vos Stéphane idées cadeaux de Noël à prix abordable. Le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. N'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Président de l'Association du hockey mineur de Robertval, en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités et merci de nous encourager. La direction et le personnel du marché Richelieu épicerie Florent Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 62 ans, nous prenons plaisir à vous servir. C'est d'ailleurs pour vous remercier de votre support indéfectible que nous avons complètement rénové notre espace et nos équipements au cours de la dernière année, soucieux d'être à la hauteur de vos attentes, chers clients. Nous serons honorés de continuer à bien vous servir en 2018. De la part du marché Richelieu, épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Stéphane, on est de retour à DanRadioSport.com avec Stéphane Debeau. Stéphane, question. Là, au moment où on se parle, c'est sûr qu'il y a un gros délai entre ce qui est enregistré puis est-ce qu'on va la mettre en ligne. Sauf que le Canadien, au moment où on enregistre l'entrevue, est dans l'Ouest, voyage déterminant. Je pense que c'est 7 points de retard sur les Bruins de Boston. Moi, je dis, ça fait des années que je dis que le Canadien devrait faire une vraie reconstruction. C'est triste à dire, mais puis les gens à Montréal, puis il y a quelqu'un qui m'a dit sur les médias sociaux, le Canadien, c'est plus un club de hockey, c'est une entreprise. Puis jamais qu'ils vont... Puis il n'a pas tort sa réflexion. Jamais qu'il va permettre une vraie reconstruction parce qu'il perdrait trop d'argent. Mais pour l'aspect hockey, ça fait 25 ans que ça tourne en rond. Puis regarde, cette année-là, on va perdre encore. On ne fera probablement pas les séries. Quand t'es rendu à pas faire des séries, t'es aussi bien de t'organiser pour pas les faire, mais vraiment pas les faire, puis aller chez des meilleurs joueurs au repêchage. Puis là, les gens à Montréal, jamais, c'est contre nature. Mais bien que moi, c'est contre nature, mais ça fait 25 ans que ça tourne en rond. Tu sais, ça fait 20 ans qu'on cherche un vrai joueur de centre depuis Vincent Danfousse. Puis un vrai joueur de centre, tu le repêches pas quand tu repêches 17, 18, 19, 20. Fait que c'est le résultat, tu tournes toujours en rond. Oui, mais... Cette question-là, Danny, elle est complexe et profonde dans le sens que on vient remettre en cause tout le repêchage, le développement, la vision de l'organisation. Redécider de rebâtir en ben d'un, faut pas faire, faut pas faire exprès pour perdre. Mais on a vu que plusieurs équipes qui ont essayé ça n'ont pas nécessairement eu. Non, c'est sûr qu'il y a eu Edmonton, puis... Entre autres, puis plusieurs. Donc, c'est pas gage du succès non plus de finir dernier au classement puis de rebâtir sur le repêchage. Encore là, faut prendre les bonnes décisions puis faire les bons choix. Est-ce que le Canadien peut s'en sortir à court terme? Ça va prendre beaucoup de créativité. Et là, ce qu'on voit arriver, c'est que Carey Price va gagner beaucoup d'argent sur la masse salariale. Heureusement, la masse salariale de la Ligue nationale va grimper quand même de façon assez importante. Le Canadien a un coussin de 8 millions. On va se départir de Plekanec qui prend beaucoup de place. Par la suite, là, le Canadien va se retrouver peut-être en meilleure situation financière. Mais encore là, toutes ces cartes-là, ou les peu de cartes qu'on peut avoir chez le Canadien, il faut bien les jouer. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que depuis que Marc Bergevin est en place, est-ce que l'équipe a progressé? Pas du tout. La réponse est non. Est-ce que l'équipe a un plus bel avenir devant lui? La réponse est non. Est-ce qu'on continue à faire confiance à ces gens-là pour redresser la situation? Combien de chances qu'ils doivent avoir pour avoir un certain succès? C'est à Jeff Molson de décider de répondre à ces questions-là. Mais pour le moment, tu l'as mentionné, c'est une business. Il fait de l'argent. Sa franchise va bien. Et alors, pourquoi paniquer quand on fait les séries? Puis qu'on n'a pas, on engendre des bons profits. Mais sur le plan résultat, ça semble pas être une priorité actuellement chez. C'est plus une priorité, c'est de faire de l'argent. C'est ça qui l'aspect monétaire, donc que l'aspect victoire. Puis ça, la réflexion de ma personne sur les médias sociaux avait pas tort du tout. Parce que les Canadiens, s'ils perdent, c'est sûr qu'ils vont avoir des intéressements. C'est sûr que, mettons que ton club. On fait ce qu'on a dit, puis ça, moi je suis le premier à prôner ça, là. Mais mettons qu'on embarque dans ce jeu-là, certainement qu'il va y avoir moins de billets vendus, d'ailleurs c'est déjà commencé, les codes d'écoute à la télévision vont baisser, le Centre Bell probablement également, ça ne fera pas sale compte si c'est fait, et aussi moins de produits dérivés, de vente de produits dérivés. Oui, mais ça, Danny, moi, il y a deux choses. La première, mon point, c'est qu'il faut penser là, que Marc Bergevin, pour l'avoir côtoyé, là, c'est un gars fier, c'est un travaillant. Puis à chaque jour qu'il se lève, là, lui, il dit, lui, il veut gagner, il essaye. Mais jusqu'à présent, est-ce que ses gestes ont porté fruit? C'est non. Mais c'est pas à défaut d'essayer et d'être intentionné. L'autre, ce que tu mentionnes, c'est la perte d'intérêt des partisans si on voulait rebâtir. Oui. Mais moi, Danny, je suis un petit peu tanné d'entendre ça parce que est-ce qu'on est des amateurs de victoire à Montréal ou est-ce qu'on aime le hockey? Moi, je te dirais plus qu'on est un amateur du Canadien. Parce que j'ai fait une entrevue avec les gens de Influence Communication. 58% de ce qui se passe au sport, dans le sport au Québec qui se parle, c'est le Canadien. C'est même pas le hockey, c'est le Canadien. Oui, je suis d'accord, mais à partir de là, si on aime notre équipe, ben on les supporte dans la victoire comme dans la défaite. Et puis, on a juste à prendre Toronto. On pense qu'on a une longue disette de 25 ans, mais Toronto, aux autres, ça date depuis 1969, si je ne me trompe pas. Mais leur équipe, les partisans, ils portent fermement leur chandail, ils sont toujours assidus au match. Pourquoi qu'à Montréal, on commencerait à les délaisser? Parce qu'on décide d'avoir des saisons plus difficiles. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on est des amateurs du Canadien, de hockey, ou à la base, on est des amateurs de victoire? Et ça m'agace un petit peu. De voir que, bon, il faut absolument gagner pour apprécier ce qui se passe sur la patinoire. Effectivement. Hey, je te souhaite une belle saison, une belle année, beaucoup de santé, beaucoup de bon golf, parce que je sais que tu es un passionné de golf. Je pense que tu es même rendu plus un passionné de golf que de hockey, ça se peut-tu? Ben, c'est pas mal égal. Je dirais pas jusque-là, mais c'est sûr que le hockey a été toute ma vie. Ça demeure ma passion première, mais le golf, au fil des années, s'est rapproché beaucoup de cette passion-là. Je l'ai comme joueur, comme enseignant professionnel de golf également. Mon garçon, il a des aspirations. Donc là, le golf dans ma famille joue un grand rôle. Mais le hockey demeure pour moi ma priorité numéro un. Bon, OK, fait qu'on se reparle dans l'année 2018. Je te souhaite une belle année, une belle période des fêtes en Floride, le chanceux. Fait que dès le début 2018, on s'en reparle. Bien, Danny, j'en profite pour te souhaiter à toi et à tous tes auditeurs des joyeuses fêtes et puis la santé pour 2018 également. C'est tellement important. Stéphane Labour, notre collaborateur à